Chapitre 12e, l'été à Berezov. Nous voilà au milieu de l'été et déjà l'automne se fait sentir. Les feuilles jaunissent et les fleurs meurent sous la gelée de la nuit. Les eaux qui s'étaient retirées avancent à pas de géant et toute la nature reprend son âpre tristesse. Après avoir écrit mes lettres, qui doivent partir demain, j'ai senti le besoin d'une solitude absolue et je suis allé faire une promenade dans la forêt. Ma pensée était si loin de là que je me suis égaré. Errant à l'aventure, j'ai fini par remonter un ruisseau et je me suis guidé en suivant ses sinuosités. Pendant que je cherchais mon chemin, j'ai rencontré deux ostiaques qui accomplissaient leurs devoirs religieux. Voilà en quoi cela consiste. Ils se placent devant un arbre, un mélèze plus particulièrement, et dans le lieu le plus écarté et le plus touffu de la forêt. Là, se croyant en sécurité et loin de tous les regards, ils se livrent à des contorsions d'épileptiques, ils remuent les jambes et les bras. Ils se démènent comme des possédés. Ces démonstrations païennes leur sont défendues, mais malgré le christianisme qu'ils ont accepté, ils sont et resteront païens. J'avoue que j'étais prise de terreur en me voyant face à face avec ces ostiaques qui pouvaient me tuer, me sacrifier à leurs dieux infernaux pour que je ne révélasse pas leurs secrets. Ils m'ont laissé passer et j'ai regagné Berezov en jurant que je ne serais plus si brave à l'avenir. Quoi qu'il en soit, j'ai échappé providentiellement à un grand danger. On m'a raconté qu'une femme qui, comme moi, s'était aventurée trop avant dans la forêt, avait disparu à tout jamais. Le temps est sombre, pluvieux, et les jours diminuent. Je suis forcé d'allumer ma lampe au milieu de la journée. Je fais de la tapisserie, cela n'empêche pas de penser, et cela occupe, mais j'ai la ressource d'une bibliothèque assez considérable et composée de livres russes, polonais, français et allemands. Un Polonais exilé, comme nous, le comte Pierre Mosinski, a laissé cette bibliothèque en quittant Berezov. Aujourd'hui, elle appartient à la ville et se trouve à la disposition des habitants du lieu et des exilés. Nous venons d'apercevoir des Samoyèdes qui viennent des bords de la mer glaciale pour acheter de l'eau-de-vie, qu'ils aiment au-dessus de tout. Les Samoyèdes sont plus grands de taille que les ostiaques. Ils ont les cheveux et les yeux noirs. Leur tête est rasée, sauf le sommet qui est orné d'une touffe de cheveux. Dès que leur barbe commence à pousser, ils l'arrachent jusqu'au jour où leur menton devient parfaitement lisse. L'idiome des Samoyèdes n'a aucun rapport avec celui des ostiaques, mais comme ceux-ci, ils sont vêtus de peau de renne. Les femmes portent des ceintures de cuivre doré et des perles de couleur. Elles ont à la hauteur du coude des espèces de bracelets auxquels pendent des grelots. Les Samoyèdes sont païens, ils adorent le soleil, la lune, l'eau et les arbres. En un mot, ils font une divinité de tout ce qui frappe leurs yeux. Ces croyances grossières ne les défendent pas d'une extrême superstition. La gelée d'aujourd'hui ressemble à celle que nous avons en Pologne au mois de décembre. Les bateaux pêcheurs entrent chargés de poissons qu'on vend ensuite aux négociants de Tobolsk. J'ai assisté aujourd'hui à la fête du chou. C'est une solennité qu'on célèbre ici tous les ans à la même époque. Chaque famille, aidée de ses voisins, se met en devoir de hacher des choux. Quand cette première préparation ne laisse plus rien à désirer, on la couvre de gros sel, ensuite on la met dans des pots qu'on descend à la cave. Les vivres sont assurés pour l'hiver. Le soir de ce grand jour, on prend le thé et on soupe en compagnie, puis on danse. Mais quelle danse! Il faut l'avoir vue pour y croire. On danse sans musique, c'est-à-dire pour le seul plaisir de se fatiguer. La terreur s'est emparée des habitants de Berezov. Le frère de Madame X, qui était allé à la chasse, en est vite revenu au comble de l'effarement, et disant qu'il avait vu un ours noir dévorant une vache noire. Aussitôt on a mis toutes les vaches noires en lieu sûr. Les Berezoviens, ceux qui sont doués de quelque courage, luttent avec les ours à coups de fusil ou de hache. Cependant, on emploie plus généralement un grand couteau à large lame bien affilé. Armé ainsi, on se présente devant l'animal, qui reste immobile, fasciné qu'il est par le regard du chasseur. Et bientôt l'ours se met sur ses pattes de derrière pour se jeter sur sa proie. À ce moment, il ne faut ni attendre, ni hésiter une seconde, le chasseur se précipite et enfonce son couteau dans le ventre de l'ours. Quand l'animal est abattu, on prend sa peau et on dépèce sa chair pour la manger. Les ostiaques coupent les quatre pattes de l'ours pour faire hommage à leur divinité. Ils croient ainsi avoir expié le crime du sang répandu. Madame X vient de célébrer l'anniversaire de la mort de son premier mari. Quelle étrange cérémonie! Rien ne ressemble ici à ce qu'on voit dans les pays civilisés. Plus est grand le respect qu'on a pour la mémoire du mort et plus il y a abondance de gâteaux aux confitures et aux raisins de Corinthe. Madame X n'avait rien épargné. L'usage veut qu'on envoie un gâteau à chacun des membres de la famille du défunt. Outre cela, on fait porter à l'église un énorme plat de riz cuit avec du miel. Après la messe commémorative, on distribue ce régal à tous les assistants, et si, par une circonstance imprévue, quelqu'un n'a pu se rendre à l'église, on lui envoie religieusement une portion de riz à domicile. En rentrant à la maison, Madame X a servi encore du riz à tous ses invités. Ce riz funèbre, j'ai presque peur d'avoir fait un calembour, est accompagné ou suivi d'une quantité de mets de toute espèce. Malgré la douleur commandée par la circonstance, on fit grand honneur au repas. Une neige épaisse s'est répandue sur toute la contrée. Les habitants ont l'aspect d'un troupeau de bêtes. Depuis la tête jusqu'aux pieds, ils sont couverts de peau de renne, le poil en dehors. Selon l'intensité du froid, le poil est en dedans ou en dehors. Le costume, qui ressemble à celui des ostiaques, se compose de deux vêtements. On nomme le premier un malza et le second parka. Ces vêtements enveloppent complètement et laissent seulement une petite fente pour les yeux, une autre pour la bouche et deux autres pour les oreilles. Avec de pareilles précautions, on peut affronter un froid de 50 degrés. La rigueur du temps n'est donc point pour les indigènes une cause de mort ou de maladie. Si par aventure la bouche ou les oreilles se trouvent gelées, on frotte la partie atteinte avec de l'eau de vie froide et bientôt, sauf une légère rougeur, il ne reste plus trace du mal. Les femmes ostiaques portent un costume qui diffère peu de celui des hommes, sauf le voile qu'elles ne quittent pas et qu'elles ne lèvent jamais devant le père et le frère aîné de leur mari. En présence des étrangers, elles n'observent pas cette règle. Quant à leur costume de fête, il est tout à fait féminin. Les femmes ostiaques ont en général de longs cheveux, qu'elles divisent en larges tresses et qui tombent jusqu'au talon. Dans ces tresses elles-mêmes, des rangs de perles qui se terminent par une espèce de médaille grande comme une pièce de 5 francs. Elles portent des jupons de drap rouge ou d'une autre couleur voyante. Par-dessus le jupon, elles ont un corset de drap de nuance claire et tout autour de la ceinture, des grelots qui produisent un son argentin à chaque mouvement qu'elles font. Ce qui donne à ce costume un aspect pittoresque, c'est un long voile rouge garni de bandes bleues et qui enveloppe tout le corps sans ôter la grâce du mouvement. Ce voile s'appelle un vakshini. Hommes et femmes ostiaques se tatouent avec de la couleur bleue, ainsi que cela se pratique dans l'Amérique du Nord. Cette similitude d'usage ne prouve-t-elle pas qu'il y a entre ces peuples des relations antérieures à la découverte de Christophe Colomb? J'ai oublié de dire qu'après la tombée de la neige, on a fait entrer dans la ville un troupeau considérable d'ours blancs. Ces animaux ont l'air presque doux et inoffensifs. Leur peau est destinée au commerce des fourrures. 8 septembre 1839. Quand un ostiaque voit une femme qui lui plaît, et s'il l'aime sérieusement, il s'adresse d'abord aux parents, et selon la fortune qu'il possède, il paye une somme qui lui donne immédiatement le droit d'emmener cette femme et de la considérer comme son épouse légitime. La somme en question varie de 5 à 6 francs, de 100 à 200 francs, selon la richesse de l'époux et selon le mérite de l'épouse. Quant au mariage chrétien, on s'y soumet selon ses convenances ou la possibilité. Les lumières du christianisme pénètrent lentement dans l'esprit de ces peuples sauvages. La religion a si peu de puissance qu'un ostiaque, après avoir reçu le baptême, conserve souvent ses coutumes païennes. Presque tous les ostiaques portent sur eux l'image grossière des divinités qu'ils adorent sous le nom de Shaitan, ce qui ne les empêche pas d'avoir sur la poitrine une petite croix en cuivre. Le Shaitan représente la figure humaine, sculptée en bois ou plutôt taillée dans un morceau de bois. Le Shaitan est de différentes grandeurs, selon le prix et selon l'usage qu'on lui destine. Celui qu'on porte sur soi est petit, celui qui décore la maison est plus grand, mais dans toutes les circonstances, le dieu est recouvert de 7 chemises brodées en perles, puis on lui attache au cou des monnaies d'argent. Le dieu a la place d'honneur dans les huttes, dans les chaumières, et avant de commencer le repas, on a bien soin de lui offrir le meilleur morceau en lui barbouillant les lèvres de poisson ou de gibier cru. Ce devoir sacré étant accompli, on mange en sécurité. Les ostiaques ont des prêtres appelés chamans. Ces prêtres ont une énorme influence qu'ils entretiennent à l'aide de la superstition et dans un but d'intérêt personnel. L'ambition et l'égoïsme peuvent se passer de science et de lumière pour corrompre les hommes. 18 septembre. La ville est attristée par la mort d'une jeune femme qui était aimée et estimée de toute la population. Elle avait épousé un des plus riches négociants de Berezov, Rien ne manquait à son bonheur, elle allait être mère. Mais les moyens qu'on employa pour hâter sa délivrance la firent succomber après d'affreuses souffrances. Quand les douleurs commencèrent à venir, on fait avaler à la malade une boisson composée de savon, de poudre à canon et d'autres ingrédients aussi corrosifs. Après cette boisson, les convulsions se déclarent. Si la femme est robuste, elle peut résister à ce traitement barbare. Mais si elle est d'une faible complexion, elle meurt presque instantanément, elle est comme foudroyée. Quant à l'enfant, il est parfois sauvé, alors on le plonge dans un bain, et il n'y a plus de raison pour mourir s'il a résisté à cela. Le commerçant qui adorait son épouse lui a fait des obsèques d'une grande magnificence. Le cercueil était recouvert de draps écarlates à crépines d'or. Quand on l'eut transporté à l'église, la famille de la défunte se rangea autour et la mère du mari se mit à pousser des hurlements lamentables qu'elle interrompait pour raconter la vie, les mérites, les vertus de la morte. Puis, les belles-sœurs se livrèrent au même exercice. Quant aux assistants étrangers à la famille, ils faisaient des observations critiques sur la manière dont parlaient les acteurs de cette scène. Une femme qui se tenait derrière moi disait à sa voisine « Vraiment, c'est plaisir de voir Madame T. Personne ne sait pleurer sangloter comme elle. Ces filles ne la voteront jamais. » « On voit bien, lui fut-il répondu, que vous n'avez pas assisté aux funérailles du mari de Madame T. C'était admirable. Elle avait l'air de rendre l'âme. Elle criait à ébranler les voûtes de l'église. » Cette comédie dans la mort avait quelque chose d'attristant. Plus que personne, je pouvais apprécier la sincérité de ces démonstrations, car je savais parfaitement que la belle-fille et la belle-mère se détestaient. Après la mort de sa jeune femme, son mari demeura 3 jours sans boire ni manger. Aussi, pendant la cérémonie, il manqua de s'évanouir, ce qui effraya beaucoup ces 3 petites filles qui l'entouraient. Les pauvres enfants ne comprenaient rien à tout ce bruit, à tous ces cris, et elles promenaient sur la foule des regards hébétés. Quand on fut au cimetière, le veuf voulut se précipiter dans la fosse avant qu'on y eût descendu le cercueil, mais ses parents le retinrent. Après la cérémonie et les derniers devoirs, tout le monde devint calme et indifférent. Je me disposais à interroger les parents sur la cause d'un si brusque changement, mais la parole s'arrêta sur mes lèvres en entendant des conversations gaies, animées et qui n'avaient aucun rapport avec la situation. Le plus simple respect humain n'était même pas observé. On ne saurait assez louer l'extrême probité des Bérézoviens. Si par hasard il se produit un fait, un délit touchant à la conscience, on peut être assuré que le coupable est étranger au pays et que cet individu vient en ligne directe de l'Europe civilisée. Ici, la propriété mobilière ou immobilière est confiée à la garde réciproque des habitants. Les portes ne sont jamais fermées. Elles n'ont ni serrure ni cadenas. Les précautions sont inconnues comme le vol. Dès que l'herbe commence à verdir, on mène au champ les chevaux et les bœufs, et personne n'est là pour les garder. Ces quadrupèdes broutent partout sans soulever la moindre réclamation, et quand la terre ferme ne leur présente pas une assez bonne nourriture, ils abordent les îles du fleuve. On les voit alors par troupes, et comme s'ils s'étaient tous donné rendez-vous sur les bords de la rivière. Pendant quelques instants, ils ont l'air d'hésiter, ils se consultent. Puis le fort se jette à l'eau et les petits le suivent. Ainsi, ils gagnent l'île qui est couverte de hautes herbes et d'une belle végétation. 25 septembre. Nous respirons enfin. Madame X est partie. Elle a eu la bonne pensée d'aller se loger ailleurs. Mais comme elle tient beaucoup à entretenir des rapports avec nous, elle nous a apporté un lièvre qu'elle dit avoir tué. Ce gibier est ici fort dédaigné, et quand nous avons demandé à notre hôtesse de le faire rôtir, elle a levé les épaules, craché par terre en signe de mépris, puis elle s'est écriée « Comment ? Vous allez manger cet animal immonde ?»